Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sûr Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous dresse le portrait d'un des pionniers de l'étude de l'intelligence animale, un entomologiste passionné et productif dont les travaux sont injustement tombés dans l'oubli, Charles Henry Turner. J'aurai ensuite la chance de recevoir Mathieu Lioro, directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de recherche à cognition animale, le CRCA, au CBI, Centre de biologie intégrative de Toulouse. Il vient nous parler de l'intelligence des insectes, et plus particulièrement de celle de nos pollinisateurs préférés, les abeilles et les bourdons. Bonjour Mathieu, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Même si les découvertes scientifiques doivent profiter au plus grand nombre, accéder au sésame du statut de chercheur n'est clairement pas une promenade de santé pour tout le monde. Pendant longtemps, pour être en mesure de suivre un cursus scientifique, il fallait être riche, blanc et de sexe masculin. Comme l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, les contributions de toutes celles et ceux qui n'appartenaient pas à ces catégories ont mystérieusement été effacés des registres. Heureusement, les choses changent petit à petit, et au gré des recherches, des profils jusqu'alors tombés dans l'oubli refont surface. C'est notamment le cas d'un entomologiste de génie né à la fin du 19e siècle, à une période où il ne faisait pas bon être noir en Amérique, Charles Henry Turner. Charles Henry Turner naît le 3 février 1867 à Cincinnati, dans l'état de l'Ohio, au nord-est des États-Unis d'Amérique. Ce n'est que 2 ans seulement après la guerre civile américaine, ou guerre de sécession qui opposait les unionistes au nord aux États confédérés du sud qui se prononçaient en faveur de l'esclavage. Ambiance. Son père travaillait comme concierge dans une église et sa mère comme infirmière auxiliaire. Et tous deux avaient rejoint Cincinnati car c'était, soi-disant, un havre de paix pour les Afro-Américains, donnant ainsi les meilleures chances possibles à leur fils. Charles se passionne très rapidement pour les insectes et sa curiosité insatiable le pousse à observer et expérimenter par lui-même, en plus de ses nombreuses lectures. Après avoir fini son lycée comme major de promo, valédictorienne comme disent les Américains, il rejoint l'université de Cincinnati pour débuter une licence de biologie, sous la direction de Clarence L. Herrick, un des fondateurs de la psychologie comparée. Marié à 20 ans avec Léontine Troy, il publie en 1891 un article de plus de 100 pages dans le Journal of Comparative Neurology qui résume son travail de licence sur la morphologie du cerveau des oiseaux. Ses expériences révèlent ses compétences en dissection, histologie, observation, analyse et dessin que l'on retrouve au fil de sa carrière. L'année suivante, un résumé de ses travaux sur le cerveau des oiseaux est publié dans le prestigieux journal Science, faisant de Charles le premier afro-américain accepté par la revue. Un deuxième article paru dans le célèbre journal sur la croissance des feuilles de vigne lui fait rapidement suite. En 1892, il valide son master et fait publier son premier article sur les petites bêtes qu'il affectionne, toujours dans le Journal of Comparative Neurology. Il décrit le comportement d'araignées qui font des toiles en galerie et intitule la deuxième partie de son titre « Illustration de variations intelligentes dans la construction de la toile ». Tout est dit. Charles en est persuadé. Les insectes et les arachnides sont dotés de facultés qu'on leur a longtemps refusées. Capable d'apprentissage et d'émotion, il passera sa vie à tenter de le prouver de manière contrôlée, en laboratoire et sur le terrain. La même année, il décrit des invertébrés aquatiques originaires de Cincinnati et documente plusieurs nouvelles espèces, tout en étant bénévole à l'observatoire de la ville et en accueillant son premier fils, Henry. Il aura également une fille, Louisa May, décédée en bas âge, et un second fils que le couple baptise Darwin Romanes, en hommage au célèbre naturaliste anglais. Les deux garçons deviendront pharmaciens et s'associeront. Après son master, les choses se compliquent pour Charles, malgré ses nombreux accomplissements. Il a employé quelque temps comme assistant au laboratoire de l'université de Cincinnati, avant de devoir constamment changer d'emploi et de ville. Il enseigna un peu la biologie au département de sciences de l'université d'Atlanta, puis travaillait comme principal de lycée à Cleveland, dans le Tennessee. Malgré ses nombreux déménagements et des illusions, Charles réussit pendant ce temps le tour de force de publier 21 articles et coécrit un livre. Il finit aussi par valider une thèse en zoologie, après une tentative avortée à l'université de Chicago en 1907, avec des résultats exemplaires et l'excellente mention magna cum laude. Il s'intéresse tout particulièrement à la navigation des fourmis. C'est le premier étudiant noir à décrocher un doctorat dans cette université. Entre-temps, son épouse Léontine décède des suites probables d'une maladie mentale. Il se remarie avec Lillian Porter en 1908. Après un énième refus de la part de l'université de Chicago, il s'installe à Saint-Louis pour enseigner au Summer High School, un lycée pour les élèves afro-américains, avec un modeste salaire de 1080 $ par an. Si le racisme ambiant et l'injustice de sa situation est une source de frustration certaine pour Charles, qui ne pourra jamais obtenir de poste à l'université, il la transforme en moteur pour fabriquer un monde meilleur. Il devient un chef de file des mouvements de droit civil à Saint-Louis et travaille au développement de services sociaux pour les Afro-Américains. Il publie 4 articles, dont le premier sort en 1897 sur les relations entre blancs et noirs et défend, coûte que coûte, le droit à une éducation de qualité. Pour lui, seul un meilleur enseignement peut résoudre les problèmes de cohabitation entre les communautés. Sans laboratoire ni moyens matériels et financiers, Charles continue à étudier et expérimenter partout, tout le temps. Il se passionne pour l'orientation et la navigation chez les insectes. En construisant des labyrinthes, il teste plusieurs espèces de fourmis et conclut que leur comportement est influencé par de nombreux indices, olfactifs, visuels, tactiles, et que leur comportement varie grâce à l'apprentissage notamment. Il résume dans ses notes « Les fourmis sont bien plus que des machines douées de réflexes. Ce sont des créatures qui agissent par elles-mêmes, guidées par les souvenirs de leurs expériences passées en tant qu'individus. Ces protocoles méticuleux incluent des contrôles précis et ils s'intéressent aux différences de performance selon le sexe, l'âge ou la caste des animaux, ce qui est très novateur pour l'époque. Jusqu'à présent, les insectes sont considérés comme de petits robots dépourvus d'individualité ou de flexibilité. Il étend ses expériences sur le comportement de retour au nid chez les abeilles, les guêpes et les chenilles et conclut que les animaux peuvent se créer une carte mentale en mémorisant certains éléments visuels. L'apprentissage chez les insectes devient l'un de ses sujets de prédilection. Il publie en 1910 et 1911 2 articles parmi ses plus connus sur la vision de la couleur et des motifs chez les abeilles domestiques. Il présente aux butineuses des fleurs artificielles, des cônes de carton rouge, dans lesquels il dépose du miel. Rapidement, les abeilles viennent butiner les cônes et apprennent à associer la présence d'une récompense aux fleurs artificielles. Même lorsque les cônes sont ensuite privées de bonnes choses à manger, les abeilles s'en approchent, car elles ont appris qu'elles sont récompensées. Malheureusement pour Charles, même si son expérience démontre brillamment et pour la première fois que les abeilles peuvent apprendre de manière associative, celles-ci ne voient pas la couleur rouge, qu'elles perçoivent plutôt en niveau de gris. Son expérience incomplète tombe donc injustement dans l'oubli et c'est Carl von Frisch, célèbre fondateur de l'éthologie moderne, qui sera entièrement crédité pour la démonstration de la perception des couleurs des abeilles. Il obtiendra d'ailleurs le premier et seul prix Nobel décerné à des éthologues bien plus tard, en 1973. Un autre des protocoles de Charles a également été rendu célèbre par un éthologue fameux, Nicolas Steinbergen. En posant une capsule de bouteille de coca à côté de l'entrée du nid d'abeilles solitaires, puis en la déplaçant ailleurs, Charles a démontré que l'abeille suit l'indice et se déplace tout autant. L'abeille retrouve donc l'entrée de son nid grâce à des indices visuels. Steinbergen a proposé un protocole proche en entourant le nid de pommes de pin qu'il bouge ensuite et déclenche ainsi un comportement de recherche chez les insectes. Même si Charles Henry Turner l'avait publié 20 ans plus tôt, c'est bien l'expérience de Steinbergen que l'on retrouve aujourd'hui dans tous les manuels d'éthologie. Mais Charles ne s'arrête pas là. Tout le stimule et il s'intéresse également à la perception des sons et la teste chez plusieurs espèces de papillons nocturnes. En utilisant un sifflet comme ceux que seuls les chiens peuvent entendre, et en observant leurs réactions, il en déduit que les papillons réagissent surtout au son aigu. Pour s'assurer que ce n'est pas la vue du sifflet qui provoque le comportement de fuite, il reproduit le son sans être vu et élimine cette possibilité. Quant au son grave, les insectes n'y réagissent pas dans un premier temps. Peut-être parce qu'ils n'en avaient juste rien à faire. Dans une série d'expériences, il associe alors un complice qui va malmener le papillon quand le son grave se fait entendre. Après plusieurs répétitions, le papillon associe le son grave à la menace et change son comportement. Alors qu'il restait immobile, il fuit désormais. Il met alors en place un apprentissage qui ressemble beaucoup à ce qu'a démontré bien plus tard le russe Ivan Pavlov, dont les chiens se mettaient à saliver dès qu'ils entendaient une clochette. Ces expériences démontrent que les insectes entendent, mais apprennent aussi. Charles continue de creuser d'autres questions. Il étudie également la thanatose, ce comportement défensif adopté par certains animaux pour se faire passer pour mort. et en 1909, il publie son troisième article dans Science en documentant le comportement de chasse d'un serpent qui s'adapte finement à celui de sa proie. Une prouesse rarement égalée, même aujourd'hui. Au cours de sa carrière, il publie pas moins de 71 articles, un nombre impressionnant que des chercheurs contemporains qui sont pourtant payés pour leurs recherches ont bien du mal à égaler. Il prend sa retraite en 1922 et déménage à Chicago auprès de son fils Darwin Romanes. Il décède l'année suivante d'une inflammation du myocarde, peu de temps après son 55e anniversaire. Son certificat de décès perpétue l'injustice de sa vie et mentionne que Charles exerçait comme pharmacien. Sur sa pierre tombale, sa famille a tenté de corriger tant bien que mal les préjudices que le monde d'alors a eu sur sa vie et sa carrière. Elle a fait graver dans le marbre, en guise d'épitaphe, ce qu'il a toujours été, envers et contre tout. Charles Henry Turner, scientifique. Et nous revoici avec notre invité Mathieu Lioro, directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de recherche à cognition animale, le CRCA, au Centre de biologie intégrative de Toulouse. Il va nous parler aujourd'hui de l'intelligence, des abeilles et des bourdons. Alors, au cours de vos travaux, vous êtes toujours intéressé à l'intelligence des insectes, qui sont bien souvent mésestimés en la matière, des blattes aux mouches, en passant par les fourmis. Qu'est-ce qui vous a amené à vous concentrer aujourd'hui, dans vos recherches actuelles, sur la cognition des insectes sociaux comme les abeilles et les bourdons ? Alors, les abeilles, les bourdons sont des animaux fantastiques, hein, passionnants. Voilà, tout le monde peut en attester. Moi, ce qui m'a amené là, plus directement, c'est les conséquences sociétales d'étudier ces animaux. Comme on l'a dit, ce sont des pollinisateurs qui assurent un service à l'humanité crucial. Et au-delà de l'humanité, ça permet le maintien de toute une biodiversité terrestre. Donc quand on étudie ces animaux, en fait, on étudie de manière beaucoup plus large la biodiversité. Donc c'était vraiment ce côté impact environnemental vous, qui vous touchait particulièrement dans ce choix de modèle d'étude. Exactement, oui. Aussi, c'est vrai qu'il y a un historique avec les insectes sociaux, ces animaux, mais aussi les guêpes, les fourmis, les abeilles, dans l'histoire de l'éthologie, hein, on y reviendra sans doute. Est-ce que ce fonctionnement, par exemple, social très particulier, donne des clés, en tout cas, de certaines études qu'on ne peut faire que chez eux, qui pouvaient aussi vous intéresser ? Alors oui, les abeilles domestiques, dont on parle plus généralement, et celles qu'on connaît le mieux, vivent dans des sociétés extrêmement sophistiquées, très particulières, qu'on retrouve très peu en fait dans le monde animal. Donc en étudiant ces animaux, on étudie des phénomènes très spécifiques. Mais comme vous l'avez dit, je travaille également sur d'autres espèces d'abeilles. Les abeilles, c'est un groupe beaucoup plus vaste que ça. On connaît 20 000 espèces sur Terre. On parle souvent de la même espèce, mais on en connaît 20 000. Et toutes ces espèces, elles varient en forme d'organisation sociale. La majorité de ces abeilles, elles sont solitaires. Ça, c'est fou. Parce qu'on imagine toujours ce système de grands groupements, de ce qu'on appelle des ruches. Mais en fait, les ruches, c'est aussi très abeilles domestiques, finalement. On parle des seins. Et ces abeilles solitaires, elles sont vraiment toutes seules. Exactement. Donc, c'est une femelle qui se reproduit avec un mâle. Le mâle meurt assez rapidement. Et la femelle pond des œufs qui vont devenir des larves. Et elle va s'en occuper jusqu'à ce qu'elle grandisse, qu'elle soit assez autonome en fait, qu'elles deviennent des adultes et à ce moment-là, la femelle va mourir et les petites abeilles vont se disperser. Et ça veut dire qu'elles se nourrissent de la même façon en récoltant le pollen sur les fleurs, le nectar, comme les abeilles mellifères que l'on connaît par ailleurs. Voilà, la biologie de base, c'est ça, c'est que toutes les abeilles, les 20 000 espèces, se nourrissent exclusivement des fleurs, du nectar qu'elles trouvent dans les fleurs pour avoir de l'énergie, c'est du sucre, et puis du pollen qui permet d'obtenir des protéines et des lipides qui vont servir au développement. En fait. Et toutes ces espèces d'abeilles font ça, donc elles partagent tout en commun ce comportement. Et donc en étudiant les abeilles domestiques, on arrive à comprendre des comportements qu'on retrouve chez les abeilles solitaires. La raison pour laquelle on étudie le plus les abeilles domestiques et les abeilles sociales par rapport aux abeilles solitaires, c'est qu'on a une facilité à les garder en vie, à les maintenir en laboratoire ou dans des ruchers, et de les garder comme ça sur plusieurs années. Alors que les abeilles solitaires, souvent, elles sont actives 2-3 semaines dans l'année à des endroits où on ne travaille pas forcément. Et puis elles sont peut-être plus difficiles à pister, parce que autant un essaim d'abeilles où il y a des centaines d'individus, c'est peut-être alors qu'une abeille qui vit toute seule dans un petit recoin de roche pour la suivre, c'est moins évident, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est assez impressionnant, parce que vous disiez 20 000 espèces d'abeilles, si je ne me trompe pas, par comparaison, le nombre d'espèces d'oiseaux, c'est 10 000, quelque chose comme ça, donc il y a le double juste d'abeilles qui existent, un nombre vraiment faramineux. Mais ça veut dire que ces abeilles solitaires, il n'y a pas du tout ce qu'on observe chez les abeilles sociales, où il y a plusieurs rôles. C'est-à-dire que l'abeille mère, si je puis dire, qui pond, juste, elle ramène la nourriture, elle s'occupe des larves, elle fait tout toute seule. Alors oui, elle fait tout. Ok. Et ça se finit là. Et il y a là aussi, au niveau de la durée de vie, parce qu'on va en reparler de la durée d'apprentissage, de la mémoire chez ces individus-là, une abeille solitaire, tout comme une abeille domestique, elle vit que quelques semaines finalement. Alors que quelques semaines à plusieurs années, ça dépend des abeilles dont on parle, ça dépend des espèces. Mais effectivement, chez les abeilles domestiques, dans ces grandes colonies qu'on garde dans des ruches, on a un individu, la reine, celle qui va se reproduire. Cet individu va survivre plusieurs mois, voire plusieurs années, quand on s'en occupe bien et qu'il n'y a pas de problème. Alors que toutes ces filles, les ouvrières, vont, elles, vivre que quelques semaines. Allez, un mois en été, à plusieurs mois en hiver, lorsqu'il y a hibernation. Et chez les autres insectes sociaux, parce que vous parlez aussi des bourdons, ce sont aussi des durées de vie comparables, parce qu'on confond souvent les bourdons, les faux bourdons. Normalement, ce n'est pas les mêmes bêtes, on est d'accord, entre les faux bourdons des abeilles domestiques et les vrais bourdons. Alors oui, on va refaire l'explication, effectivement. Elle est importante, il faut la faire à chaque fois. Donc les bourdons, ces insectes volants, tout velus, un peu plus grassouillés que les abeilles domestiques que l'on voit partout dans les environs, ce sont des abeilles. Ce sont des abeilles sociales. Donc ça vit de la même façon que l'abeille domestique. Il y a une reine qui fonde une colonie avec des ouvrières. Alors les colonies de bourdons, c'est souvent 200, 300, 400 individus maximum. Et ces abeilles sociales, là, ces fameux bourdons, forment des colonies annuelles qui vont se développer en 2-3 mois. Puis à la fin, lorsque la reine meurt, eh bien, ça va un peu péricliter. Et il va y avoir production de nouvelles reines qui vont, elles, se disperser, s'enfouir sous terre et attendre l'année prochaine pour faire une colonie. D'accord, il y a une sorte de phase de dormance pendant laquelle elle n'est pas active, elle se met sous terre et ne bouge plus. Exactement, c'est une hibernation. Et donc ça, c'est différent de l'abeille domestique qui forme des colonies pérennes où tout le monde est actif toute l'année tant qu'il fait encore assez chaud et quand il fait trop froid, la colonie se met en hibernation. Mais les animaux survivent. Ils sont inactifs, ils attendent que ça passe, mais ils sont toujours vivants. Exactement. Ouais. Et donc l'explication à ces différents cycles de vie, c'est certainement dû à l'endroit où ces animaux ont évolué. C'est-à-dire que les bourdons sont des animaux qui ont évolué dans nos contrées, à cet endroit-là du monde, dans des endroits avec un climat tempéré, continental, où il y a des hivers froids. Alors que les abeilles domestiques font partie d'un groupe qu'on appelle les abeilles à miel. Mmh. Il y a une quinzaine d'espèces. Et ces abeilles à miel, elles viennent des tropiques. Elles viennent de la région de l'Inde actuelle, disons. D'accord. Et là, il a toujours fait un peu plus chaud. Et donc, l'hibernation ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que les colonies durent longtemps et que les abeilles sont flexibles. Quand il fait froid, elles arrêtent d'être trop actives. Mais elles ne meurent pas, il n'y a pas un nouveau cycle qui se produit. C'est-à-dire que toutes les abeilles mellifères domestiques que l'on a aujourd'hui dans nos ruches, Apis mellifera, sont des espèces qui viennent de milieux plus exotiques que la France métropolitaine. Oui, oui, tout à fait, originellement. Okay. Après, elles ont dispersé et envahi ces endroits ici, là, enfin, ces terres géographiques, il y a très très longtemps. D'accord. Donc, elles sont tout à fait adaptées, mais originellement, ça a évolué dans des forêts tropicales. Mais ça veut dire aussi, quand on parle d'abeilles domestiques, est-ce que ça veut dire que ces animaux ont été transformés, modifiés par l'être humain, au même titre que les races de vaches ou de chats et de chiens? Est-ce qu'il y a des changements morphologiques ou de comportement par rapport à des espèces proches, sauvages? Oui, donc c'est le même processus de domestication. Donc la domestication des abeilles à miel s'est fait, on pense, il y a à peu près 10 000 ans, quelque part en Égypte actuelle, etc. Et ces abeilles-là, elles sont certainement très différentes de nos abeilles domestiques actuelles. Bien sûr, il y a une sélection plus ou moins dirigée par l'homme qui fait qu'aujourd'hui, on a des races d'abeilles qui sont un peu plus dociles certainement que les races ancestrales. Et en sélectionnant pour des races plus dociles et des races qui produisent plus de miel, parce que c'est aussi pour ça qu'on les élève, eh bien, on agit très certainement sur d'autres traits mais de manière non contrôlée. Mmh. Et donc potentiellement, nos abeilles ont des comportements très différents des abeilles mellifères ancestrales. Mais c'est assez fou parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que cet animal a été modifié par l'action humaine. Ça paraît moins évident en tout cas que certaines transformations physiques chez des races de bovins, de chèvres, de moutons ou autres, alors que c'est le même procédé, quoi. Oui, alors on peut aussi comparer nos abeilles domestiques aux abeilles à miel actuelles en Inde, qui, elles, ont été très peu touchées par l'homme, qui ne sont pas domestiquées. Et on voit quand même que la biologie générale, le comportement général est comparable. Ça joue sur des subtilités comme le fait que nos abeilles domestiques sont très fidèles à une ruche, à un endroit, et produisent énormément de miel, beaucoup plus qu'elles en ont besoin. Mais ça veut dire, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'il y a des abeilles qui ne fabriquent pas de miel, qui n'ont pas besoin de ce procédé-là pour survivre. Oui, alors effectivement, ce miel que produisent les abeilles domestiques en masse, eh bien, c'est lié à leur cycle dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le miel, c'est une réserve de nourriture pour toute la colonie. Et quand ces colonies doivent passer un hiver, où il n'y a plus de nourriture à l'extérieur, eh bien, elles ont accès à ce stock de nourriture qui est très grand. Et ce stock, il doit permettre de durer plusieurs mois. Tout l'hiver. Donc, voilà. Il faut que les conditions soient plutôt propices. Il ne faut pas que l'hiver soit trop long, sinon elles n'ont plus de quoi se nourrir. Exactement. Donc, on voit bien que chez les abeilles solitaires, il n'y a pas forcément besoin de faire ce stock immense de nourriture. Alors, il y a des stocks, mais ils sont beaucoup plus petits. On ne peut pas les exploiter. Mais les abeilles solitaires, est-ce qu'elles peuvent survivre à plusieurs saisons ou est-ce que l'idée c'est vraiment qu'une fois qu'elles s'est reproduit et que les petites prennent la suite, l'adulte meurt en fait, donc il n'y a pas besoin de stocker pour passer l'hiver? Oui, c'est ça. Alors, à ma connaissance, je ne connais pas d'abeilles solitaires qui survivent plusieurs années, mais c'est peut-être probable en fait. Il y a tellement de... Les abeilles sont sur tous les continents, sur tous les climats, dans toutes les topologies. Donc il y a une diversité énorme de formes, de couleurs, de modes de vie, de comportements, donc ça doit exister. On disait, ces animaux vivent quand même sur des durées assez courtes, quelques semaines, mois, années pour quelques reines. Vous travaillez quand même beaucoup sur des notions d'apprentissage. Est-ce que c'est un frein dans vos expériences de travailler avec des animaux qui sont dotés d'une durée de vie assez limitée finalement ? Ah bah bien au contraire, je pense que c'est un avantage. Donc on a ces animaux que l'on suit pendant quelques jours finalement. Le fait de les suivre pendant quelques jours, ça nous permet d'en suivre plus. Et ce qui est très impressionnant chez ces animaux, c'est qu'ils ont développé des capacités d'apprendre des choses de manière très, très, très rapide. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles apprennent en quelques minutes, voire quelques heures quand c'est complexe. Et donc, on peut étudier ces apprentissages sur une fenêtre temporelle extrêmement courte. On se lève le matin, on va au laboratoire, on fait notre expérience, et quelques dizaines de minutes ou quelques heures après qu'on ait commencé l'expérience, on a un résultat d'apprentissage. On sait qu'elles ont appris très rapidement. Exactement. On a souvent cette idée que chaque individu dans la ruche n'est pas si important et que c'est la colonie dans son ensemble qui est, on va dire, l'organisme intelligent, si je puis dire, même si c'est très impropre comme formulation. Est-ce que l'on a pu démontrer que les individus pouvaient apprendre, qu'il y avait des différences d'apprentissage, de rapidité d'un individu à l'autre? Est-ce que finalement l'abeille individuelle a aussi son mot à dire finalement face au groupe? Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on commence à bien comprendre depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, disons. Avant cela, on considérait le groupe comme une somme d'agents qui interagissaient de manière un petit peu automatique. Et puis ces interactions automatiques multipliées entre les agents créaient des choses extraordinaires, l'émergence de comportements collectifs intelligents, disons. Ce qu'on comprend maintenant avec les gens qui travaillent sur les individus, les abeilles, les fourmis, les guêpes, au niveau individuel vraiment, c'est qu'il y a tout un champ cognitif, un répertoire cognitif très riche et très large. Donc on ne connaît pas encore les limites en fait. Et donc ces abeilles, elles sont capables d'apprendre tout un tas de choses, des associations simples, des associations plus complexes, des concepts, des règles. Elles sont capables très certainement d'avoir des émotions. Donc elles ont une vie interne très très riche. Et effectivement, il y a une différence interindividuelle qui est très grande entre des abeilles d'une même colonie, bien qu'elles aient la même mère, et parfois le même père. Donc cette variabilité comportementale et cognitive, elle est naturelle. En fait, on la retrouve dans l'ensemble du règne animal. Donc dans une colonie d'abeilles, effectivement, on va avoir des abeilles qui vont très bien performer dans une certaine tâche et d'autres qui vont très mal performer. Et on pense que ça, c'est cette variabilité adaptative. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose d'inattendu, un stress, je ne sais pas, toutes les fleurs dont on a l'habitude d'aller butiner disparaissent d'un coup, parce qu'il y a un incendie par exemple, et bien peut-être que les abeilles qui avaient moins bien appris d'aller butiner sur ces fleurs vont y trouver une autre solution, parce qu'elles sont naturellement plus volage. Plus exploratrice. Plus exploratrice. Et elles peuvent nous trouver une autre solution, aller sur une fleur qui est d'habitude évitée et en fait découvrir que c'est une bonne solution alternative et permettre une résilience du groupe. Et donc c'est vrai, comme vous le disiez, dans une colonie, toutes les ouvrières sont sœurs ou demi-sœurs. Mais comme on l'évoquait, dans ces sociétés-là, le même individu va avoir plusieurs métiers, si je puis dire, au fil de sa vie. Est-ce que ça a été testé, hein? C'est vraiment une question de néophyte. Est-ce que ces rapidités d'apprentissage, de résolution de problèmes, peuvent être liées à la fonction, au métier que les abeilles exercent au moment où elles sont testées ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont favoriser la résolution de problèmes à un moment de leur vie plutôt qu'un autre? Alors oui, ces abeilles domestiques sont caractérisées par une vie en colonie avec une division du travail. Donc, il y a en général une reine dont l'unique rôle est de se reproduire et de pondre des œufs qui vont devenir des larves. Donc, elle va peupler la colonie. Et une fois que les larves éclosent, elles deviennent des hommes adultes qui vont, rester à proximité des larves et avoir tendance plutôt à les nourrir, à s'en occuper, à les nettoyer. Parce que les larves ne se nourrissent pas toutes seules du tout. Non, elles ne peuvent pas, bouger, elles sont dans leur cellule. Et puis, une fois que ces abeilles vieillissent un petit peu, donc elles prennent quelques jours, elles vont commencer à s'éloigner un peu plus des cellules des larves et vont commencer à faire les tâches domestiques comme assurer la construction du nid ou réparer le nid. Et puis, plus les abeilles vont vieillir, plus elles vont s'éloigner du nid. Elles vont commencer à se mettre à l'entrée du nid, par exemple, pour garder la colonie s'il y a des intrus. Et puis, les plus vieilles abeilles vont commencer à sortir de la colonie pour aller chercher de la nourriture. En fait, ce sont les plus expérimentées. Et cette division des travail, elle se fait avec l'âge. C'est très réglementé chez ces abeilles domestiques. Alors, on m'a dit, est-ce que les abeilles domestiques vont avoir besoin de différentes capacités cognitives en fonction des tâches qu'elles résolvent? Très certainement. Alors, on a peu de recul là-dessus parce que les abeilles qu'on teste en général, c'est celles qui sortent. Les plus vieilles. Qui vont aller butiner parce que nous, on arrive plus facilement à les observer et à jouer avec elles. Celles qui sont dans la colonie, c'est un peu plus compliqué. Mais on commence, donc en mettant des caméras dans les colonies pour voir les comportements des individus. Et dans une colonie, il se passe énormément de choses qui nécessitent des capacités cognitives. Les abeilles doivent communiquer, donc elles doivent reconnaître des odeurs pour communiquer dans le noir. Elles doivent construire un nid, c'est quelque chose de très compliqué de construire des rayons d'abeilles. Qui sont en plus connus pour être réguliers, bien agencés les uns entre les autres, on ne peut pas faire n'importe quoi. Exactement, on ne peut pas faire n'importe quoi, donc c'est très compliqué. Et très certainement, il y a une part d'apprentissage dans ce type de comportement. Mais ça veut dire aussi, est-ce qu'il peut... Ça, j'imagine que c'est très dur à tester, parce que là aussi, on a cette idée que... D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que quand elle change de métier, c'est du jour au lendemain? Est-ce que petit à petit, elle commence à faire des tâches qui sont celles du métier suivant? Est-ce que ça, ce sont des choses où elles apprennent? Par exemple, c'est vrai qu'une abeille qui n'a jamais construit de rayon, est-ce que c'est quelque chose de programmé génétiquement et qu'elle n'a pas à apprendre en regardant les autres faire et elle va savoir le faire spontanément? Ou est-ce qu'elle observe? Parce que du coup, il y a toujours un groupe d'abeilles du même âge, puisque certaines sont nées tout au même temps. Donc j'imagine qu'il y a des groupes entiers d'individus qui passent de nourrice à constructrice à butineuse. Est-ce que ça, on a un moyen de savoir même comment ça se passe? En fait, c'est vrai que cette transition d'un métier à l'autre, est-ce que ça a été observé? Alors cette transition, elle est progressive, effectivement, c'est pas du jour au lendemain, ça on le voit. Ce qu'on soupçonne également, c'est qu'il y a une part d'inné et d'apprentissage dans toute cette transition. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux semaines, je crois, il y a un article qui est paru dans Science, justement, qui démontre qu'il y a une part d'apprentissage dans ces comportements qu'on pensait innés. Ces abeilles domestiques sont très bien connues parce qu'elles font ce qu'on appelle une danse des abeilles. Donc lorsqu'elles ont trouvé de la nourriture à l'extérieur de la ruche, elles peuvent revenir dans la ruche et faire une danse, des mouvements particuliers en 8, dans lesquels est contenue toute l'information de la localisation de la nourriture qui a été découverte. Si bien qu'une abeille naïve, qui n'a jamais été dehors ou visité cette nourriture, peut suivre la danse et sortir de la ruche et découvrir la source de nourriture du premier coup. Sans l'avoir vue, juste en suivant l'indication de la danse, elle peut localiser la source de nourriture. Exactement, dans cette danse est indiquée la distance de la source de nourriture à la ruche, l'angle entre la source de nourriture, la ruche et le soleil. Et puis, la quantité de nourriture qui est disponible dans la source de nourriture. Ce qui fait déjà beaucoup d'informations. A priori, beaucoup d'informations. Alors, elles le font très très bien, avec certainement un algorithme très simple, parce qu'elles ont un petit cerveau. Mais donc, cette expérience qui a été publiée récemment dans Science montre que les abeilles, en fait, apprennent à danser. Okay. Donc, lorsqu'on prive les abeilles de démonstrateurs, donc lorsqu'on on crée des ruches artificielles avec des abeilles qui n'ont que le même âge, Okay. Donc on a des cohortes d'abeilles qui, quand elles vont devenir vieilles, vont commencer à danser pour la première fois, sans jamais avoir vu de danse d'autres auparavant. D'autres anciennes, ouais. Et bien, ces danses sont assez aléatoires, en fait. Assez aléatoires et très peu précises. Alors que si on permet à ces abeilles d'avoir des modèles, donc des danseuses plus expérimentées, qu'elles peuvent observer dans la ruche quelques jours auparavant de commencer à butiner, eh bien, les danses de ces abeilles naïves vont être beaucoup plus précises. Ouais, donc ça démontre ouais. qu'il y a une part d'apprentissage. Alors que c'est vrai que pendant très longtemps, on pensait vraiment que c'était des petits robots. Et au niveau, donc, dans la vie, on le disait, elles ont besoin de communiquer. Voilà, il y a le visuel avec la danse, mais il y a plein d'autres informations qu'elles s'échangent. Quelles sont les autres modalités dont elles ont vraiment besoin pour échanger des informations entre elles? Alors la danse se fait dans le noir. Ouais. Donc c'est pas du tout. Donc c'est pas franchement visuel, ou alors elles peuvent voir quand même dans l'obscurité. Donc c'est pas du tout visuel. C'est pas du tout visuel. C'est tactile. D'accord. Donc elles se touchent lorsque pour suivre une danse, il faut toucher l'abeille qui danse. Ok. Il y a aussi des vibrations qui sont générées sur les rayons de la ruche. Donc les abeilles ont ces informations-là. Et puis certainement, il y a des odeurs qu'elles se transmettent à ce moment-là. Donc une abeille qui a été visitée de la lavande, qui revient, qui danse, elle sent la lavande. Mmh. Et donc l'abeille qui suit cette danse a compris qu'il faut aller chercher de la lavande également. Okay. Donc dans la ruche, c'est vraiment dans l'obscurité. Les informations sont tactiles et olfactives, d'après ce qu'on connaît. Et puis quand ça se passe à l'extérieur de la ruche, les butineuses, elles vont utiliser beaucoup la vision. Et également l'olfaction, parce que les plantes peuvent émettre énormément d'odeurs. De signaux, oui. Parce que du coup, quand elles sortent de la ruche, il y a cette nécessité d'utiliser la vision pour localiser donc, les fleurs dont elles dépendent. Et au niveau de ce qu'elles peuvent capter, au niveau des informations visuelles, qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple? Alors, elles voient tout comme nous, hein, mais pas exactement la même chose. Ce qu'on sait, c'est qu'elles voient en couleur. Mais elles ne voient pas exactement la même couleur que nous, donc elles vont voir sur le spectre lumineux à partir du orange, donc elles ne voient pas le rouge par exemple, le rouge va être gris pour elles. Après elles vont voir le bleu, le jaune, le vert, pas de souci, le violet. Et puis elles vont voir au-delà du violet, les ultraviolets qui nous sont invisibles à nous. On peut très bien utiliser des filtres ultraviolets et filmer des fleurs comme ça, et on va voir que l'aspect visuel pour notre œil et pour l'œil d'une abeille, d'une fleur, va être différent. Par exemple, il y a des fleurs qui nous sont toutes jaunes, qui vont apparaître jaunes avec des taches noires à l'endroit où il y a du nectar. Ça, c'est des guides ultraviolets qui indiquent aux abeilles où est le nectar, par exemple. Des pistes d'atterrissage. Des pistes d'atterrissage, tout à fait. Et en fait, le monde vu avec les ultraviolets, il est complexe. Ouais. Et donc, elles voient ça, les abeilles. Elles voient également d'autres signaux visuels que nous, on ne voit pas. C'est de la lumière polarisée. Donc, lorsque la lumière du soleil rentre dans l'atmosphère, elle se polarise avec le champ électromagnétique terrestre. Donc, elle prend une certaine direction. Et donc, potentiellement, les abeilles voient dans le ciel des rayures. Avec des directions de lumière que nous, on ne peut pas percevoir. Voilà, exactement. Et ça leur permet de connaître la position du soleil, même si on ne voit pas directement le soleil. Même donc, si c'est couvert, même s'il y a des nuages, elles peuvent quand même voir la direction des rayons lumineux. Voilà, s'il y a un peu de ciel bleu, elles peuvent voir les rayons lumineux et elles peuvent donc s'orienter par rapport au soleil. Et le soleil, c'est leur boussole principale pour naviguer. Mais on est d'accord que les abeilles sortent uniquement de jour, de nuit, elles ne peuvent pas se déplacer, enfin... Alors, sous nos latitudes, non. Après, il existe toujours des abeilles un peu particulières. Donc, sous les tropiques, il existe des abeilles qui peuvent naviguer, voler avec une très, très, très faible luminosité. Donc, si la lune est claire, on peut avoir des abeilles qui vont aller butiner la nuit dans des endroits où il y a énormément de compétition. Et donc, c'est une niche qu'elles ont trouvée. Et justement, c'est vrai que je me posais la question. Les abeilles, doivent être efficaces et butiner plein de fleurs. On y reviendra sans doute. Est-ce qu'elles peuvent aussi piquer de l'information à d'autres pollinisateurs qui ne sont pas des abeilles domestiques, suivre d'autres abeilles solitaires ou même les mouches? On l'oublie souvent que les mouches pollinisent aussi. Est-ce qu'elles peuvent piquer de l'information à d'autres pollinisateurs? Ah oui, ça c'est extrêmement commun. Donc effectivement, en plus les abeilles domestiques sont généralistes. Donc elles vont voir tout un tas de fleurs et quand elles sortent, si elles n'ont pas d'informations par leurs aînés quelles sont les meilleures fleurs à aller butiner, il va falloir qu'elles se tapent le travail toutes seules et qu'elles aillent chercher, goûter les différentes fleurs et comparer. Donc ça peut être très très long, surtout avec une durée de vie si faible. Ben, c'est ça. Donc ce qu'ont tendance à faire les abeilles, c'est d'aller visiter des fleurs où il y a déjà d'autres abeilles de la même espèce déjà, parce que ça veut dire que s'il y a déjà une autre abeille, potentiellement, la fleur a beaucoup de nectar. En tout cas, c'est le bon type de fleur. Et si je trouve d'autres fleurs du même type dans l'environnement, il y a de grandes chances qu'il y ait du nectar. Mais ce type d'apprentissage par observation, il se fait également entre les espèces. Donc les abeilles peuvent copier des bourdons et vice-versa. Et potentiellement des papillons. Ça n'a pas été testé chez les mouches, mais on voit que c'est un phénomène très général et qui fait sens, en fait. Mais pourtant, on pourrait se dire, s'il y a déjà eu d'autres abeilles dans cette fleur, elle est vide et ça vaut plus le coup d'y aller. Et pourtant, c'est quand même un bon indice de se dire, ça vaut peut-être quand même le coup de suivre là où les autres sont déjà passés. Alors ça a été étudié en laboratoire. Au début, on pensait justement que les abeilles allaient éviter les fleurs déjà visitées. Mais quand on teste des abeilles, dans ce cas-là, des bourdons, dans une petite boîte où il y a des fleurs artificielles de différentes couleurs, et qu'on, par exemple, on apprend à un bourdon en particulier d'aller visiter une fleur bleue et pas une jaune. Mm-hmm. Donc ce bourdon, on lui apprend. Simplement, on met de l'eau sucrée dans la fleur bleue et de l'eau dans la fleur jaune. Ça va être le bourdon démonstrateur. Et puis ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire observer un autre bourdon derrière une vitre, le bourdon démonstrateur qui fait sa petite routine. Donc le bourdon observateur voit que le démonstrateur va sur la bleue, et pas la jaune. Et puis donc, on peut lâcher l'observateur dans ce dispositif tout seul. Il va avoir tendance à aller vers la bleue parce qu'il copie. Mais du coup, on peut aussi faire varier l'expérience où on va faire apprendre au démonstrateur à aller sur la mauvaise fleur. On peut lui dire d'aller vers la bleue, alors que là, sur la bleue, il y a très peu d'eau sucrée par rapport à la jaune où il y en a beaucoup. Et l'observateur va avoir ça également. Donc, il va avoir tendance à aller vers la bleue dans un premier temps. Et puis, comme il va goûter qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sucrée, là, il va changer d'avis. Et en fait, il va aller vers la jaune. Et donc, le premier réflexe, ça va être de suivre les démonstrateurs. Et puis après, au bout d'un ou deux essais, l'observateur va se faire son propre avis et affiner. Et donc, comme ça, on peut apprendre à des observateurs à aller vers des démonstrateurs ou à éviter des démonstrateurs. Non, c'est assez incroyable. Ça veut dire aussi qu'elles peuvent apprendre facilement. C'est-à-dire que si on leur apprend à récompenser le bleu, mais qu'ensuite on change et que c'est le jaune, elles seraient capables aussi de switcher et de changer, de comprendre que la récompense est ailleurs rapidement. Finalement. Ah oui, là, ces apprentissages-là, ils sont cruciaux. En fait, c'est comme ça qu'elles se nourrissent. Et ils sont très rapides. Donc en deux ou trois essais, elles comprennent qu'il faut continuer ou qu'il ne faut pas continuer. C'est incroyable. Et ça veut dire qu'elles apprennent très vite. Comme vous le disiez, en quelques heures, en quelques essais, c'est bon, quoi. Oui, exactement. Alors, le record, c'est quand on veut leur faire apprendre à associer une odeur à de l'eau sucrée. Donc là, on peut mettre une abeille dans un tube pour l'immobiliser un peu et lui présenter une odeur avec un canon à odeur sur les antennes. Et puis, lorsqu'on présente l'odeur, en même temps, on lui met un petit peu d'eau sucrée sur les antennes à l'abeille. Puis, on lui donne à lécher l'eau sucrée. On peut faire ça une seule fois. On présente l'odeur et l'eau sucrée. Et puis après, on présente simplement l'odeur. Et en un seul essai, l'abeille a appris, en général, que l'odeur est récompensée. Si bien que quand on lui présente que l'odeur, elle tire la langue parce qu'elle s'attend à obtenir de l'eau sucrée. La récompense. Donc on voit que ça peut s'apprendre en une seule fois et ça peut rester en mémoire pendant plusieurs jours. Pour un animal qui vit quelques semaines, ça veut dire que c'est quand même assez important. Sur le rapport durée de vie, longueur d'apprentissage et de mémoire, non, c'est très impressionnant. On vous laisse bourdonner dans les prés comme d'heureux butineurs le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Thank you. C'était Violet Vanished, extrait de l'album Changing Lights du groupe The Ironsides. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invité Mathieu Lioro, directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de recherche sur la cognition animale, le CRCA, au CBI, Centre de biologie intégrative de Toulouse. Auteur du livre « À quoi pensent les abeilles ?», il nous présente ses recherches sur l'intelligence de ces insectes surprenants. Alors, on l'a vu un petit peu avant, donc vous êtes intéressé à plein de questions sur l'apprentissage, la mémoire chez ces animaux-là. On l'a évoqué, la navigation, c'est essentiel pour les abeilles parce qu'il faut accumuler voilà, du pollen, du nectar assez rapidement. Donc, optimiser les meilleures routes sont des choses quand même assez importantes. Comment est-ce que vous pouvez tester ce genre de choses sur le terrain? Quel type de protocole vous mettez en place pour tester la navigation chez ces animaux-là? C'est pas trivial, ça. Effectivement, on a maintenant 30 ans de recherche un peu en laboratoire sur les capacités cognitives des abeilles et elles font des choses qui nous dépassent un peu. On n'espérait pas toutes ces capacités. Elles apprennent énormément de choses, elles s'en rappellent très longtemps. Et souvent, on démontre ces capacités dans des dispositifs un petit peu artificiels. Je vous parle de fleurs artificielles, dans des boîtes, des labyrinthes, etc. Donc le challenge à l'heure actuelle, vraiment, c'est d'essayer de comprendre à quoi servent vraiment ces capacités cognitives dans un contexte naturel. Et le contexte de base, c'est quand même d'aller butiner pour toutes ces abeilles. Alors maintenant, une abeille domestique, par exemple, ça peut se déplacer sur une distance de 10 km. Pour aller chercher de la nourriture. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un insecte qui de fait cette taille-là. Voilà, 1,5 cm. Donc c'est énorme en fait. Si elles veulent faire ça, les abeilles, il va falloir que, et si elles veulent le faire de manière efficace, il va falloir qu'il y ait plein de choses qui se mettent en place dans leur cerveau. La première chose, ça va être d'apprendre à se repérer pour revenir à la ruche. Si une abeille sociale sort de la ruche et qu'elle ne revient pas, là, déjà elle meurt, et puis c'est une perte pour la colonie. Complètement, ouais. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'au début, lorsqu'elles sortent pour la première fois, ces abeilles, elles font des vols d'observation, donc une espèce de spirale, face à la ruche. D'accord. Donc ça, je pense que les apiculteurs voient ça très souvent, c'est des abeilles qui ont l'air de virevolter, comme ça, mais à ce moment-là, on sait qu'elles prennent des images, des photos, en fait, du panorama visuel qui est autour de la ruche, ce qui leur permet d'avoir une vision très précise de ce dont à quoi ressemble la ruche et où elles doivent aller lorsqu'elles sont dans cet endroit de l'environnement. C'est-à-dire qu'elles captent aussi des indices visuels pour se souvenir de, par exemple, s'il y a un cours d'eau, un gros rocher, quelque chose à côté de la ruche pour retrouver facilement. C'est ça, donc elles apprennent tout ce qui est autour de la ruche. Par exemple, si on fait des expériences et que par malheur on se trouve à côté de la ruche, comme c'est souvent le cas parce qu'on prend des notes, les abeilles qui font des vols d'orientation nous intègrent dans leur image mentale. Et si on se déplace un petit peu de la ruche au cours de l'expérience, les abeilles vont avoir tendance à être attirées par nous. D'accord. Parce qu'elles cherchent l'entrée de la ruche. Vous devenez le référent, en fait. Vous devenez le point Exactement. D'entrée de la ruche. Okay. Alors, avec les abeilles domestiques, ça peut être un peu dangereux. Il y aura des accidents. Mais donc, lorsqu'elles font ça, elles sont assez proches de la ruche, les abeilles, à quelques mètres. Donc, on peut encore les filmer pour regarder comment elles font. Ce qui est vraiment compliqué, c'est quand elles arrêtent de faire ces vols, après, elles partent. Elles partent potentiellement très loin. Très vite, hein, une abeille ça fait 20 km/h quand ça vole à pleine vitesse, potentiellement un peu plus haut que 1 mètre au-dessus du sol. Hein. Ouais. On voit des fois les abeilles en haut des bâtiments. Ouais. Et puis voilà, elles font ça toute la journée, donc c'est compliqué à suivre. On ne peut pas encore mettre de balise GPS sur une abeille, hein, c'est trop lourd. Oui, ouais, complètement. Donc toutes les sortes de puces émettrices de signaux, comme ça, on ne peut pas le faire. Donc nous, ce qu'on utilise depuis quelques années, c'est des systèmes radars. Avec des antennes passives sur les abeilles. Donc en fait, on a un gros radar qui fait 4 mètres de haut, une grosse antenne, là, un peu comme le radar qui était sur le bateau de Cousteau, là, D'accord, ouais. Un truc qui tourne. Donc ça tourne et ça émet une onde à une certaine longueur d'onde dans l'environnement. Et donc cette longueur d'onde, elle va pouvoir être réémise en partie par une antenne, toute petite antenne d'un centimètre, très légère, que l'on présente dans le faisceau du radar. Et donc si on bouge l'antenne, le radar va capter la position de l'antenne et va faire la trajectoire de l'antenne qui se déplace. Ces antennes, elles font quelques milligrammes et on peut les poser sur une abeille. Sur le dos d'une abeille. Et l'abeille peut voler sans trop de problèmes avec ça sur le dos. Et donc avec ces systèmes, on peut étudier le vol, les trajectoires des abeilles sur à peu près 1 km de rayon. Donc c'est ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle. Avec ça, donc on étudie les comportements d'exploration des abeilles. Donc tout simplement, on est en train de découvrir comment les abeilles localisent des fleurs pour la première fois. Puis lorsqu'elles ont localisé cette fleur, qu'est-ce qu'elles font? Comment elles vont chercher d'autres fleurs? Donc on voit qu'il y a des petites routines, les abeilles se posent sur la fleur découverte, puis vont partir un petit peu plus loin, puis reviennent sur la fleur découverte, c'est un point d'attache, d'accroche. Puis elles commencent à faire des boucles d'exploration comme ça, de plus en plus grandes. Puis lorsqu'elles découvrent une autre fleur, elles font un peu la même chose. Puis des fois, elles retournent à la fleur qu'elles viennent de découvrir. Puis on voit qu'il y a des segments comme ça qui se construisent. Puis lorsqu'elles ont découvert assez de fleurs pour se nourrir, elles commencent à développer des circuits. Et est-ce que ça veut dire qu'une jeune butineuse et une vieille butineuse vont explorer de la même façon, ou est-ce que des insectes plus expérimentés vont avoir des modes d'optimisation des fleurs différents des plus jeunes? Ça, on a moyen de le savoir? Alors, des modes d'optimisation, ça, on ne le sait pas. On pourrait le tester en testant des abeilles de différents âges. Par contre, on sait que dans ces premiers vols, là, il se passe plein d'apprentissage. Les abeilles apprennent à reconnaître plein de lieux, pas seulement la ruche. Mais si elles découvrent une bonne source de nourriture, elles vont faire la même chose. Elles vont apprendre à reconnaître l'emplacement de cette source de nourriture. Et puis, plus elles découvrent de sources de nourriture, plus elles vont stocker en mémoire de différents lieux. Et elles vont apprendre des segments, des trajets entre les sources de nourriture. Et une fois qu'elles ont appris ces trajets, elles vont les répéter, en fait, au cours du temps. Et donc, chaque abeille, si les ressources sont dispersées dans l'environnement, je parle d'une prairie, c'est pas un arbre en fleurs, c'est une prairie. Chaque abeille va apprendre différents lieux, va investir dans la mémorisation d'une route et va développer une route. Et cette route, au fur et à mesure du temps, va être raffinée jusqu'à aller jusqu'à une route qui est optimale ou quasi optimale, c'est-à-dire qu'elle minimise la distance de trajet, maximise la quantité de nourriture acquise par unité de temps, en gros. Mais ça veut dire que sur une période, une semaine où l'abeille sort tous les jours pour butiner, est-ce qu'il y a de bonnes chances que l'abeille que vous suivez aille systématiquement au même endroit, ou est-ce qu'elle peut être exploratrice et le mardi elle va à 2 km à l'opposé de là où elle était le lundi? Alors souvent, tant qu'il y a de la nourriture là où elles ont investi de l'énergie à apprendre, elles y retournent. Donc si on nourrit une abeille toute sa vie au même endroit, elle y retournera. Ok, c'est, j'imagine, le moins coûteux. Il faut aller là où c'est le plus rapide, le plus proche. Mais comme vous le disiez plus tôt, c'est vrai que s'il y a un accident et qu'une source complète disparaît, est-ce que ça, on a pu le voir à quelle rapidité elles peuvent changer de route ou de stratégie? Ça peut être très rapide. Moi, j'ai fait des expériences justement où, dans des champs, complètement vidés de fleurs naturelles, on coupe tout. Pour être sûr qu'elles n'aillent pas ailleurs. Exactement. Bon, ça repousse assez rapidement, même trop rapidement, en fait. Mais dans ces champs vides, on place des fleurs artificielles, des pompes à eau sucrée, en gros. Okay. On les place à certains endroits très stratégiques. Et puis, on regarde comment les abeilles découvrent ces fleurs. Puis, comment elles développent des routes. Alors, si on met 5 fleurs en forme de pentagone, par exemple, les abeilles, assez rapidement, une vingtaine d'essais, vont trouver la solution. Il faut visiter les fleurs le long du pentagone. Et puis, lorsqu'une abeille a vraiment investi, compris que cette route était bonne et qu'elle a fait très, très rapidement, eh bien, on peut bouger une de ces fleurs et l'emmener à 100 mètres vers la droite ou vers la gauche, disons. Donc, on voit que l'abeille, dans ce cas-là, elle continue sa route. Elle passe par l'endroit où la fleur est manquante. Elle cherche un peu. Puis, elle continue la route. Voilà, il y a la fleur qui manque, c'est pas grave, je continue. Mais dans ce cas-là, elle est pas pleine, elle a pas rempli son estomac de nectar. Donc ce que fait l'abeille, c'est qu'elle va pas rentrer à la ruche et elle recommence la route, la même. Ok. Et encore une fois, elle retrouve pas la fleur manquante. Puis elle fait ça 2-3 fois. Puis à un moment donné, il va y avoir un déclenchement d'un comportement exploratoire qui va se produire. Et puis si par chance, elle découvre la fleur qui a été bougée, le coup d'après, elle va intégrer cette fleur à cette nouvelle position dans sa nouvelle route. D'accord. Et en quelques essais supplémentaires, elle va réoptimiser une route intégrant la nouvelle position. Donc c'est très très rapide. Et donc vous avez entamé de nouveaux gros projets, toujours sur l'orientation des abeilles. Sur quel autre protocole travaillez-vous aujourd'hui, en ce moment ? La recherche sur la cognition des abeilles, ça nous a également permis d'avancer sur un autre front, au-delà de simplement la connaissance pure fondamentale de l'intelligence animale, sur le front du déclin des abeilles. En fait, les abeilles ont un cerveau, comme on l'a dit, qui est capable d'apprendre une multitude de choses. Et ce cerveau permet notamment aux abeilles à butiner correctement. Pour butiner, il faut résoudre tout un tas d'opérations, apprendre à se repérer, apprendre à reconnaître les fleurs, apprendre à des circuits, apprendre à éviter ou à aller voir des compétiteurs, etc., etc., communiquer. Reconnaître les congénères. Voilà, c'est assez complexe avec un million de neurones. Voilà, si on compare un million de neurones à notre cerveau, il en fait 100 milliards. Donc, c'est compliqué. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que cette optimisation au niveau cérébral, mais en fait, c'est un peu le talon d'Achille des abeilles. S'il y a un neurone ou deux qui commence à être un peu défectueux, eh bien, certaines tâches cognitives vont très certainement être stoppées. Stoppées, voilà, exactement. ça peut avoir des conséquences qui peuvent paraître anodines, comme ça, l'abeille ne va pas mourir, mais par exemple, elle ne va pas reconnaître les bonnes fleurs des mauvaises fleurs. Et donc, elle va butiner de manière un peu plus aléatoire, être moins efficace, et en fait, la colonie va moins se développer, et puis peut-être un jour, ça va aboutir à un effondrement de la colonie. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont bien connus, les effondrements de colonies non expliqués. Tout ça pour dire que quand on étudie la santé des abeilles, aujourd'hui, on sait que voilà, ce sont des animaux qui sont enclins à diminuer en termes de nombre et de diversité parce que l'environnement est de plus en plus pollué, qu'on y dispense des pesticides qui sont des molécules néfastes, etc., etc. Quand on étudie la santé des abeilles, on peut plus se permettre de simplement regarder si les abeilles meurent ou pas. Mais en fait, la santé cognitive des abeilles est un signal un peu plus puissant et un indice de la santé globale de ces animaux. Donc avant qu'elles meurent, on a déjà des effets sur leur cerveau. Donc aujourd'hui, je développe avec d'autres personnes dans mon équipe et d'autres laboratoires des systèmes pour mesurer de manière automatique la santé mentale des abeilles sur le terrain. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des labyrinthes qui sont inspirés des travaux qu'on a menés en laboratoire, dans lesquels les abeilles peuvent se nourrir, mais pour se nourrir, il faut résoudre un problème. Voilà, il faut apprendre à associer des couleurs à de l'eau sucrée ou de l'eau salée. Et puis, on peut y avoir différentes difficultés de problèmes à résoudre. Et dans ces labyrinthes, les abeilles peuvent venir par elles-mêmes, parce qu'ils sont posés dans la nature. Elles viennent par elles-mêmes, elles sont reconnues et elles sont soumises à ces tests. Elles peuvent se tester, se tromper ou y arriver dès le premier coup. Et puis, elles se trompent. Elles peuvent revenir 10 minutes plus tard et réessayer. Il n'y a pas de limite. Elles peuvent essayer autant qu'elles veulent. Il n'y a pas de limite. Et donc, nous, on enregistre toutes ces données. Et on peut comme ça faire des courbes d'apprentissage des différentes abeilles qui sont venues se tester dans différents types d'environnements. On peut imaginer faire ces expériences ici, sur le campus de l'université, et puis comparer la santé mentale des abeilles ici à la santé mentale des abeilles dans un champ cultivé ou dans un espace naturel pour voir quels sont les effets de l'action humaine sur l'environnement sur la cognition des abeilles. Et si on comprend ça, on aura des meilleurs arguments pour améliorer les environnements. Essayer d'arrêter la commercialisation de certains de ces produits, peut-être. Exactement. Et puis sauver les pollinisateurs et au-delà des pollinisateurs, une partie de la biodiversité terrestre. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas redit, mais l'action de ces produits, pesticides mais autres, ça a des impacts sur les neurones des abeilles directement, en fait. Ces produits-là vont atteindre leur cerveau. Alors, une partie de ces produits, on parle beaucoup des insecticides néonicotinoïdes qui ont été utilisés ces dernières années, qui viennent d'être interdits en Europe et en France. Là, ça y est, les décrets sont sortis, on n'a plus le droit de demander des dérogations, en tout cas en France. Ces néonicotinoïdes, c'est des insecticides très ingénieux, en fait. Ce sont des neurotoxines qu'on délivre directement et qu'on donne à manger aux insectes. Alors, c'est pour détruire des pucerons. Voilà, donc ça marche très très bien. Mais les pucerons sont des insectes également. Oui. Partagent la même biologie fondamentale que les abeilles. Donc ces pesticides, ils sont également donnés à manger aux abeilles de manière indirecte parce qu'elles se nourrissent du nectar et du pollen qui est contaminé. En faible dose, certes, mais ces neurotoxines agissent sur le cerveau des abeilles et on voit qu'ils ont des effets néfastes sur les comportements. Et c'est d'ailleurs suite à la découverte de ces effets que ces molécules ont été interdites en Europe. Et donc ça y est, pour de vrai, il n'y a plus de dérogation possible. En France, on n'aura plus le droit d'utiliser ces produits-là. Aujourd'hui, oui. jusqu'à changement, on l'espère, pas prochain. Les connaissances sur la cognition des abeilles repoussent toujours les limites, mais finalement, est-ce que le cerveau de l'abeille, dans sa constitution, ou en tout cas dans le fonctionnement de ces animaux-là, rencontre certaines limites ? Ça, c'est une excellente question, et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Effectivement, on est passé d'un moment d'émerveillement où on a découvert que ces insectes étaient cognitifs, à un moment un peu plus d'étonnement où on a compris que ces insectes avaient des capacités cognitives qui étaient parfois comparables aux nôtres, dans certains cas, à un moment un peu de sidération, là où toutes les semaines ou tous les mois, il y a des nouveaux articles scientifiques qui repoussent les limites. Voilà, on parle maintenant très sérieusement des émotions positives ou négatives chez ces animaux, peut-être de la présence de jeux, au terme de jeux tel qu'on l'entend chez les mammifères, chez les oiseaux. Et se pose là maintenant la question de la conscience, en fait. Alors, c'est quelque chose de très difficile à étudier de manière scientifique, mais on se la pose en tout cas philosophiquement de manière très sérieuse. Souvent, quand on veut évaluer la conscience, je sais que c'est une question très large et très discutée. Il y a le test du miroir qui est très controversé sur est-ce que l'animal a une représentation de sa propre image. Comment est-ce qu'on pourrait tester la conscience de soi chez les abeilles ? Voilà, il n'y a pas de... C'est compliqué. Test, c'est extrêmement compliqué, sinon on l'aurait déjà fait. Il n'y a pas de test magique, par contre. Ouais. Quand on regarde ce qui a été fait chez les autres animaux, on voit qu'il faut qu'il y ait un faisceau d'informations qui aille dans le même sens. Par exemple, démontrer que ces animaux peuvent avoir une théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils peuvent interpréter les émotions ou les états mentaux d'autres individus dans un groupe, bah déjà, ça serait un pas en avant. Démontrer que ces animaux peuvent planifier dans le temps, ça serait un pas en avant. Voilà, ce genre de choses. Alors, il y a des expériences récentes qui, non pas démontrent, mais suggèrent que peut-être. Qui nous donnent des premières pistes qui vont dans ce sens-là. Exactement. Donc, peut-être que le cerveau de l'abeille a encore des secrets à nous révéler. En tout cas, c'est des découvertes toujours plus intéressantes de voir à quel point voilà, l'individu, c'est pas des petites machines comme on l'a souvent pensé. Un grand merci, Mathieu, d'être venu répondre à mes questions. On vous souhaite le meilleur pour vos expériences à venir et la publication de vos prochains résultats. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils de lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller quelques ouvrages. Si, comme moi, vous ne connaissiez pas le parcours hors du commun de Charles Henry Turner et que vous avez envie de découvrir des biographies de scientifiques dont vous n'avez jamais entendu parler, j'ai le livre pour vous. Je vous recommande chaudement l'ouvrage intitulé « Les oubliés de la science », écrit et dessiné par Camille Van Bell et publié par Alizio Science. Cette bande dessinée généreuse de près de 200 pages est une compilation des rubriques « Trop de mémoire » publiées par l'autrice dans le magazine Science et Vie Junior depuis 2018. Avec humour et pédagogie, Camille Van Bell nous emmène à la rencontre de scientifiques que la grande histoire n'a pas retenus. Pourtant, ils étaient bien souvent brillants. Mais n'être femme ou noire, voire pire, les deux n'aident pas vraiment à arriver à ses fins dans une société clairement inégalitaire. D'autres encore étaient trop en avance sur leur temps, sont morts prématurément ou étaient trop fantasques ou, au contraire, trop timides pour annoncer leur découverte pourtant fracassante au reste du monde. 48 portraits vous sont dressés avec, en plus des 2 ou 4 planches de BD, une page documentaire avec des ressources supplémentaires passionnantes pour aller plus loin et mieux connaître chaque oublié. De Jocelyne Bell, découvreuse des pulsars, dont le prix Nobel a été attribué à son directeur de thèse, à Richard Trevithick, inventeur de la locomotive, trop mauvais pour faire sa pub, en passant par Katherine Johnson, dont les calculs mathématiques ont envoyé l'humain sur la Lune, vous ne serez pas déçus du voyage. Foncez dessus en attendant le tome 2. J'aimerais ensuite vous recommander l'ouvrage écrit par notre invité Mathieu Lioro. Il s'agit du livre intitulé « À quoi pensent les abeilles ?» paru dans la collection « Monde animaux » des éditions Humaine Science. Dans ce livre de 212 pages, l'auteur dresse un portrait à la pointe de l'actualité de nos butineuses. En croisant des rappels d'expériences emblématiques de l'éthologie des insectes, les dernières études parues et ses propres expériences et anecdotes, Mathieu Lioro rend les découvertes mais aussi le processus de recherche scientifique fun et accessible pour tous. Il n'hésite pas aussi à raconter que faire de la recherche est un chemin semé d'embûches et que parfois, voire même souvent, les expériences ratent. Son état des lieux de la recherche actuelle, agrémenté d'humour et de références pop culture plutôt chouettes, comme l'évocation de la ressemblance d'un dispositif expérimental avec l'intérieur du TARDIS, le vaisseau emblématique symbole de la série Doctor Who, vous permettra de tout connaître sur la cognition de ces petites bêtes. De la danse des abeilles, décryptée par Carl von Friis, l'un des fondateurs de la discipline, aux perceptions sensorielles, en passant par la mémoire, l'apprentissage, les émotions et les menaces qui pèsent sur elles, vous deviendrez incollable sur les abeilles. C'est raconté simplement, tout en étant expliqué méticuleusement et avec de l'humour. Bref, je vous le recommande fortement. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche !